Dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis belge. Comment vous vous appelez ? Léonie. J'habite aux Comores. Je viens de Moroni. Et vous ? J'habite en Belgique. Dialogue 2. Bonjour, moi c'est Peter. Bonjour Peter. Vous êtes canadien ? Oui, j'habite à Toronto. Mais je suis né à Paris. Et vous ? Moi, c'est Abel. Je vis à Madrid. Vous parlez espagnol ? Oui, je parle espagnol et français. Dialogue 3. Bonjour, moi c'est Maria. J'habite au Niger. Je viens de Dossa. Bonjour Maria. Moi je m'appelle Lien. J'habite à Hanoï, au Vietnam. Je suis née au Vietnam. Ah bon ? Oui, maintenant je vis à Niamey. Vous parlez vietnamien ? Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous ? Moi, je parle vietnamien, espagnol et français, bien sûr.